Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, mais spécialement un peu partout, ce qui est disponible sur le web. On essaie de se concentrer, Jean-Thierry de la France qui est avec moi aussi, on essaie de se concentrer sur ce qui se passe à Québec, mais on s'ouvre parce que, étant en confinement, ben, on a accès à tout ce qui est sur le web. Oui, ben on consomme... On va moins dans les expositions en ce moment, donc on va un peu plus sur le web pour découvrir des initiatives artistiques d'ici et d'ailleurs. Je sais pas pour toi, Gentiane, mais pour moi, ça m'a permis de découvrir des disciplines qui me sont peut-être moins connues. Je te parle ce soir en fait de quelque chose que j'ai découvert qui est un court-métrage de danse, puis la danse contemporaine, je connais peu. Fait que le fait d'avoir accès à des choses comme ça en ligne, ça m'a vraiment aidé à explorer ce côté-là que je connais moins. Mais c'est la même chose pour moi parce que ben aujourd'hui, je comptais vous parler de cette initiative là Repère d'Avatar. Je suis pas une grande consommatrice d'art audio en général, mais je trouve que le rapport aux arts visuels via le numérique est très difficile et très confrontant parce que c'est pas une expérience qui me satisfait, qui me semble complète, qui me semble aussi intéressante qu'une expérience en présentiel, en contact avec les œuvres d'art, alors que l'art audio le permet avec une bonne paire d'écouteurs, avec une bonne paire de haut-parleurs, on peut avoir une expérience en art audio qui satisfaisante. Oui, c'est ça. Ben pardonne-moi l'analogie douteuse, mais je vois un peu ça comme les produits sans viande qui essaient d'imiter les produits avec viande. Pour moi, la consommation d'art visuel et autres en ligne, ça devrait, c'est moins satisfaisant comme tu dis, pas nécessairement que ça devrait pas, mais je trouve ça moins satisfaisant quand ça essaie de recréer la chose en salle. Oui, faut vraiment oui, tenter de créer quelque chose d'unique. C'est comme des expériences de visite de galeries virtuelles qui copient la galerie physique. C'est bien, mais c'est pas un burger. Non, c'est ça exactement, c'est pas un burger. donc on étend un peu c'est ça, donc on étend un peu notre mission, notre mandat aujourd'hui, puis on va parler non seulement d'art visuel à Québec mais d'autres choses aussi. Mais j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer également Giorgia Volpe à son atelier. J'ai fait l'acquisition de 6 mètres de fil de micro. C'est ce qu'on utilise en ce moment. Oui. On est assise au parc Marquet. Oui, c'est ça. Donc, on utilise le bonsoir et ce soir, mais en fait, il est 3 heures en ce moment. Et on est au parc Marquet qui est au coin des rues Père Marquet et Desbraves. Oui, tout près de chez toi. Donc tout près de chez moi. Je suis venue te rejoindre ici. Juste à côté de l'église des Saint-Martyrs canadiens. Ô combien joyeux. Et c'est tellement bien de pouvoir se voir en présence, oui. De pas se voir sur un écran, oui. De pouvoir se regarder dans les yeux au travers de nos lunettes de soleil. Oui, on aime ça. D'ailleurs, on prend le temps de remercier l'équipe de CKRL qui nous permet d'expérimenter un peu comme ça avec l'enregistrement de l'émission qu'on est habitué de faire en studio live tous les mercredis soirs, qu'on n'a pas fait depuis 3 mois. Oui, on est contents de vous retrouver, chers auditeurs, chères auditrices. Très! Donc, c'est ça, on remercie l'équipe de CKRL qui nous permet d'expérimenter un peu comme ça, puis de pouvoir vous offrir du contenu sur les arts visuels malgré le confinement. Et d'ailleurs, on a décidé de prendre une petite formule différente à partir de maintenant. Donc, on va faire nos émissions en deux segments un peu. On va vous partager quelque chose qu'on a consommé dans la semaine, quelque chose qu'on a découvert en ligne pour vous faire découvrir ça puis que vous soyez pas en manque d'art visuel. Puis, on va tenter d'avoir des entrevues très intéressantes avec des artistes. Parce que le confinement n'empêche pas des artistes d'être créatifs. En fait, il y a beaucoup d'artistes à Québec qui me semblent passer beaucoup plus de temps en atelier et d'être vraiment inspirés par cette pause obligatoire. Alors, on va prendre une petite pause audio. écouter un extrait de Huitaine, Chambardement du quotidien de Martin Tétrault, qui fait partie de cette série produite par Avatar qui s'appelle Le Repère. Et au retour de la pause, on va discuter des différentes œuvres qu'on retrouve dans cette série. C'était un extrait de la pièce Huitaine, Chambardement du quotidien de Martin Tétrault, qui est une des œuvres audio qui se retrouve sur ce projet qui s'appelle Repère, donc un projet qui a été lancé justement au début de cette période de confinement qu'on vit déjà depuis le mois de mars. Donc Repère, je vous lis un extrait de la présentation d'Avatar, « Le monde se redéfinit ». La signalétique de notre civilisation s'effrite, les repères conventionnels perdent leur sens, nous devons faire résonner de nouvelles cornes de brume, nous devons allumer d'étonnantes lanternes pour un monde irrévocable qui ne peut être renvoyé à son point de départ. 25 artistes québécois ont été choisis par Avatar pour créer une œuvre d'art sonore d'une durée de 3 minutes sur la notion de repère. Donc, ces miniatures ont été publiées à raison de 3 par semaine depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Également, on a une collaboration avec une œuvre que j'aime beaucoup parmi celles-ci. C'est une collaboration entre Caroline Gagné et Christophe Havard, qui sont des amoureux intercontinentaux. Oh. donc, une œuvre où on les entend se promener dans la nature, interagir, on entend le bruissement des pas et les oiseaux qui chantent et on les accompagne dans cette découverte de petits oisillons. Donc un paysage sonore de deux personnes qui se rejoignent avec une trame sonore de piano minimaliste, une très très belle spatialisation des voix. Donc c'est quelque chose d'à la fois narratif et contemplatif. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Le Rivage, l'Apocatère, et qui fait partie d'un projet beaucoup plus large de Caroline Gagné et Christophe Havard. Et il y a également une œuvre de Giorgia Volpe qu'on va recevoir en deuxième partie d'émission. Et puis, je le mentionne parce que, Myriam, toi, ça a été un de tes coups de cœur là, dans ces repères d'Avatar. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis en plus, quand j'ai vu le nom de Giorgia Volpe, je me suis dit, ah, c'est vrai, on va avoir une entrevue avec elle. Je me demande ce que c'est. C'est une œuvre qui s'appelle Souffle, qui s'intitule Souffle. En fait, c'est que l'artiste a visité des anciennes communautés communistes. Donc, elle est allée en Chine, dans l'ancienne Berlin-Est, puis... À Cuba. À Cuba, à la Havane, exactement. Puis, dans la trame sonore, la piste, l'œuvre audio, on entend ces ambiances sonores-là. Puis, j'ai, comme tu disais en début d'émission, moi non plus, je suis pas si familière que ça avec l'art audio. Puis c'est toujours différent de le vivre en personne dans une performance, puis de le vivre en ligne dans notre chez-soi. Pour les gens qui auraient envie d'expérimenter ce nouveau projet-là qui est piloté par Avatar, je recommanderais de s'installer chez soi avec une bonne paire d'écouteurs, dans une chaise confortable, un divan, des coussins, une doudou, fermer les yeux puis vraiment se laisser imprégner de ces ambiances sonores-là, peu importe la piste. Je pense que ça vaut quand même la peine aussi de ne pas lire les descriptions avant. Puis c'est intéressant parce qu'en allant sur le site Bandcamp, puis on peut écouter les pistes qui s'enchaînent une après l'autre. Et puis il y a vraiment des contrastes qui nous font changer d'univers très très rapidement. Donc on fait le saut. Il y a vraiment comme ça nous fait surprise voyager à chaque fois. Vraiment. J'ai vraiment aimé ce concept-là. Parce qu'on a des œuvres maximalistes comme celle d'Éric Dorion. On va avoir des œuvres où c'est vraiment la poésie, les mots qui sont mis de l'avant comme la vraie vérité vraiment vérifiable du bureau de lapin. Ah, je te vois sourire, Myriam. Oui, le titre m'a fait sourire. Oui, et puis c'est une poésie où les mots vont changer de sens, ils se superposent. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est vérifiable, et on joue sur cette espèce de confusion agréable entre les mots, mais également, on a vraiment un questionnement de fond sur, bon, la valeur de ce qu'on appelle la vérité, de qu'est-ce qui est vérifiable. Donc, un questionnement philosophique aussi qui se développe autour de cette œuvre du bureau de la Lapin. Dans la période dans laquelle on se trouve en ce moment, justement, avec la circulation de l'information et beaucoup de nouveautés au niveau social, c'est quand même une réflexion qui est intéressante à avoir et à approfondir. Tout à fait. Quand l'art nous permet d'approfondir des réflexions comme ça, c'est toujours agréable. Et une autre œuvre qui a attiré mon attention sur l'album, on peut l'appeler comme ça parce qu'on peut le télécharger sur Bandcamp, c'est Les Hymnes nationaux de Mathieu Campagna, qui s'écrit Z-I-M-N-A-T-I-O-N-O, mais en lisant, on comprend qu'il est question des hymnes nationaux. et en début d'écoute, on comprend également parce que bon, on est transporté dans une espèce de parade de la fête du Canada. On entend l'hymne national du Canada et on entend également bon les feux d'artifice, les applaudissements. Mais peu à peu, on est transporté dans d'autres univers, d'autres pays, d'autres hymnes nationaux et on est également transporté dans des milieux en guerre. Donc des coups de fusil, il y a vraiment une trame sonore qui nous raconte une histoire qu'on se raconte. Puis on passe à travers différentes émotions. Oui, aussi, exactement. Ouais, il y a vraiment une angoisse qui s'installe. Au début c'est festif, puis à un moment donné quand les coups de feu embarquent, les bruits de feux d'artifice n'évoquent plus des feux d'artifice mais plutôt des bombes. Oui, donc il y a comme une transition comme ça avec cette très belle œuvre de Mathieu Campagna. Donc je vais nommer aussi les autres artistes là, qui ont participé à ce projet-là jusqu'à maintenant, parce qu'il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Et puis il y a également 4 artistes qui ont été invités pour une excavation sonore. Donc ça va être des durées de 25 à 30 minutes plutôt que 3 minutes. Mm-hmm. Donc qui vont être publiées mais d'une par semaine à partir du 1er juin, donc à partir de la semaine prochaine. Donc Éric Dorion, Alexandre Saint-Onge, également Alexandre Berthier, Alexandre Bérubé qui nous transporte dans son univers familial, Georges Azaria qui nous emporte dans l'univers des lumières, donc très très très très musique classique, également Hélène Prévost, Éric Normand, Pascal Robitaille, Virginie Lagagnère, Charles-Émile Beaulac, Myriane Rouillard et Magali Babin qui nous fait écouter le puits de lumière de son de sa salle de bain. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, vous pouvez aller là, sur le site Internet d'Avatar pour retrouver les brèves, c'est des miniatures, c'est 3 minutes réalisées par les artistes en temps de confinement. Donc, des commandes d'Avatar. Donc, on va prendre un moment pour écouter justement un extrait de Hymnes nationaux de Mathieu Campagna. Et au retour, Myriam, c'est toi qui nous parles de qu'est-ce que tu as découvert cette semaine. Oui. À l'air et le remplir de tout le plastique que nous avons pompé. Donc, on est de retour de la pause audio. On écoutait les Hymnes nationaux de Mathieu Campagna du projet Repère piloté par Avatar dont, Gentiane, tu nous parlais juste avant. Et nous sommes toujours dans le parc Marquette. Oui, juste à côté de l'église des Saint-Martyrs canadiens. Donc, on préenregistre cette émission de l'aérospatiale ensemble, Myriam Lelange. Le vent et les camions de déménagement qui reculent. Les voitures qui passent, le vent dans les arbres. Tout ça, on vous crée une ambiance sonore. Et toi, Myriam Leland, ta découverte de la semaine, c'est un court métrage de danse qui date déjà de 2017. Ben oui, mais ça évoque le confinement. Ça évoque le confinement, donc c'est tout à fait d'actualité et c'est pas qu'un thème lancé comme ça au hasard. Moi, quand j'ai écouté le court métrage pour la première fois, je trouvais que ça rendait très bien le confinement. Il n'y a pas d'autre mot, l'état dans lequel on se trouve en confinement. L'espèce de lassitude qui s'installe. Oui, c'est très mélancolique. Oui. La la, ben, d'abord, je vais dire qu'est-ce que c'est ce projet-là. C'est ça. C'est un court-métrage de danse réalisé en 2017 au Québec sur le thème du confinement par Josiane Bernier et Ariane Voineau, qui sont des danseuses accomplies, directrices artistiques, chorégraphes. Et ce sont elles qui ont réalisé le film et qui interprètent à l'intérieur du film. Exactement. Mmh. Il y a également Josué Bocage qui a fait la conception sonore, qui était co-directeur artistique, qui a fait la direction photo et le montage. Puis Philippe Lessard-Drolet qui faisait la conception lumière, co-directeur artistique et étalonnage. Et c'est quoi le titre de ce film-là? Le titre, c'est Cécile. Je l'ai beaucoup aimé, Cécile. Donc, en fait, ce sont les deux danseuses, donc Josiane Bernier et Ariane Voineau, les deux créatrices de ce projet-là aussi, qui ont décidé de ressortir ce court-métrage-là à cause des circonstances actuelles, on le comprend bien. C'est ça, c'est tourné, ça semblerait être tourné dans un motel. Donc, oui. Une chambre... La couverture beige pelucheuse. On a déjà tout ça, vu ça dans un tiroir d'hôtel. C'est typique motel. Oui, ouais, ou chambre de grand-maman, oui. Mais... Oui. Tout à fait. Donc, c'est ça, ça semble être tourné dans un motel. Décor assez kitsch. Lumière rosée, vaporeuse un peu. Ça fait vraiment... Tout fait partie de ce court-métrage-là. Autant la danse que le décor, que la lumière... Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas juste un projet de danse qui a été filmé. C'est vraiment un court-métrage, c'est une œuvre vidéo en soi. Et c'est une performance in situ. C'est ça, exactement. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, à force de l'écouter, c'est environ 7-8 minutes, on se rend compte qu'il y a de la répétition. Oui. Puis là, on vient qu'à se demander, est-ce qu'elles ont répété les mêmes mouvements ou c'est au montage qu'elles ont rajouté ça pour faire la répétition? Il y a l'incorporation d'éléments naturels aussi. On voit de l'eau, de l'air. Oui, parce que tout se passe dans la chambre, mais on est transporté par moment à l'extérieur. C'est l'élément que j'ai pas communiqué. En fait, le thème du confinement est mis en scène tout simplement par ce confinement-là dans la chambre de motel. C'est un huis clos. Mm-hmm. Exactement. Puis au début, on voit une des deux performeuses regarder par la fenêtre, mais elle se met toujours derrière un rideau, un voilage blanc. Puis on voit qu'elle regarde dehors, c'est très mélancolique aussi. Elle se jette beaucoup sur le lit. Ah, avec les rebondissements. Ah oui, vraiment. Tactile aussi. Oui. On dirait qu'elles se réconfortent entre elles. Parfois, elles ont besoin d'être seules. Ça me fait vraiment beaucoup penser au confinement qu'on est en train de vivre, les journées où on n'a pas envie de faire du télétravail ou si on télétravaille pas. On n'a pas envie de faire du ménage, oui, d'être productif. On jette sur le lit. Il y a aussi un jeu sur la gémilité parce que les deux interprètes sont habillées de manière très, très similaire. Exact. Donc on pourrait penser que c'est deux facettes d'une même personne. Exactement. C'est, puis, un dialogue intérieur. C'est ça. Mmh. Oui, j'aime beaucoup cette interprétation-là. Puis j'ai beaucoup aimé aussi que dans une performance de danse qu'on voit en live sur un stage ou dans une galerie, par exemple, le regard du spectateur peut s'abandonner un peu n'importe où. Mmh. Mais là, étant donné que c'est un court-métrage, qu'il y a vraiment le point de vue de la caméra, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les mains qui se touchent, oui, qui touchent au bras. Il y a beaucoup de tendresse hein, dans ce geste-là. Ouais. Mmh, donc, au début, quand j'ai vu cette publication-là, parce que j'ai vu passer ça sur Facebook, puis je me suis dit, ah, j'ai hâte de regarder ça. Mais au début, je me suis dit, ouf, est-ce que ça va être un peu déprimant? Mais finalement, c'est que tout ce côté-là, comme tu dis, très tendre, très douceur, rose, feutré, voilé. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que au fur et à mesure que le court-métrage avance, le point de vue change et on commence à avoir des points de vue extérieurs. Donc, c'est comme si la caméra était à l'extérieur du motel, voyait la performeuse regarder à travers la fenêtre, entre la fenêtre et le rideau. On voit justement l'image typique là, du motel avec les portes toutes alignées, les fenêtres toutes alignées, mais complètement désert aussi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé comment ça rendait ce thème de confinement-là, alors que ça a été créé il y a 3 ans. Donc, je me dis, pour le vivre en ce moment, ça me fascine toujours la démarche artistique, comment les artistes peuvent réussir en s'imprégnant d'une situation, d'une thématique, à rendre quelque chose sans parler, juste en bougeant, juste en ayant un regard différent. Je trouve ça assez fascinant. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis je l'avoue, je l'ai réécouté 3 fois de suite pour le plaisir, là, même pas juste pour prendre des notes pour l'émission. Ça vaut la peine de le revisiter, là, des journées où ça va bien, des journées où ça va moins bien, puis de voir un peu comment ça change notre regard sur la performance. Donc, une très belle œuvre chorégraphique et vidéo, en fait. C'est une œuvre vidéo... Oui, c'est ça. C'est vraiment un court-métrage de danse et c'est disponible sur YouTube. On pourra mettre le lien sur notre blog. On le partagera aussi sur notre page Facebook. Comme ça, les gens pourront aller le regarder. C'est disponible... Ben, c'est redisponible depuis le 6 avril dernier. Ben, merci beaucoup, Myriam Leland, d'avoir partagé ce coup de cœur avec nous, un coup de cœur de confinement. Et on va passer à l'entrevue de Georgia Volpé après la pause publicitaire. Georgia Volpé, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que cette ère de confinement a annulé ou repoussé dans tes projets que tu avais en cours? Mais les projets, c'est drôle de dire, mes projets sont toujours en cours. Oui. Donc, oui, j'avais des finalisations pour dédier à la diffusion. Oui. Ces diffusions ont été rapportées. Et donc, ça a changé. Donc, j'étais pas dans le mode diffusion, mais les projets, ils continuaient. Donc, ils continuaient toujours un peu en mouvement, mes projets. Donc, même ces contextes de diffusion ne limitaient pas un changement non plus dans le projet qui j'avais l'intention de présenter. Ça a changé dans le sens que j'ai vraiment plongé dans l'atelier comme jamais. Parce que souvent, dans le contexte de diffusion, tu es toujours ici et là, un peu dispersé, à répondre à des contraintes. À se déplacer aussi. Pour aller monter les expositions, livrer les 1%. Ah oui. La logique de diffusion, il n'y a rien à voir avec la logique de création. Donc là, malgré que j'essaye de rapprocher les deux des fois. Oui. Mais en évacuant donc toute la logistique de de diffusion, comme tu dis, de ta pratique, c'est venu ouvrir d'autres espaces pour réfléchir, pour créer. C'est quoi les nouvelles pistes qui se sont dessinées dans ta pratique dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Alors, j'avais plusieurs choses dans ma tête, même qui c'était ces breaks de la diffusion me fait mettre un peu, revoir les archives, plonger dans des choses qui étaient laissées il y a longtemps un peu de côté, des choses que j'avais même oubliées. Donc là, tu commences à faire ton ménage. Ah, oui, hein? Donc, oui, commences à ressortir des choses, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis, des souvenirs involontaires. C'est ça, un peu comme c'est y aller chercher dans tes archives personnelles des images, des pourquoi que j'ai gardé ça, pourquoi que ça c'est important. Et finalement, j'ai pas organisé, j'ai encore désorganisé parce que chaque fois que tu ouvres un tiroir, tu ouvres plein de possibilités dans le travail et cette possibilité c'est à l'infini. Donc c'est comme si je me sentais dans une bibliothèque un peu borgienne, c'est plein de tiroirs qu'on ouvre et comme on ouvre labyrinthe. Pour des déploiements. Mm-hmm. Oui. Donc j'ai commencé à déployer dans différentes chemins. Donc j'ai trouvé dans ces sources d'ateliers, d'archives. Et là, je m'ai donné la mission de chaque jour pouvoir développer ce chemin un peu plus loin. Donc, par exemple, une chose que j'ai toujours eu envie de faire, et je pense que le confinement m'a permis, par rapport à ce que je faisais pas avant, c'est d'avoir l'espace libre. Donc, l'espace public, la ville vide. Et cette ville vide me sert comme espace de jeu. Ça, j'ai trouvé extraordinaire parce que finalement, je sais que mon travail, il est stimulé par cette quête d'espace et de réviser les espaces, revoir, représenter autrement. Donc, l'espace vide de la ville, ça me permet, ça m'est devenu un terrain de jeu. Donc, autant les objets qui se trouvent par hasard dans des coins, qui j'y remets dans des situations, qui fait penser peut-être à tout ce que je vis à l'intérieur, oui. Comme une espèce de projection sur ces objets, ou même de déplacement, d'idées, d'objets dans des contextes. Et ça, c'est très intéressant. Une autre chose, c'est le voyage, qui s'est toujours ancré à moi, le nomadisme, qui s'est toujours fait partie de mon travail. Le fait d'être immobilisé par ce confinement m'a fait voir le voyage autrement. Ça veut dire me projeter sur même des lieux que j'ai jamais été. Donc, ça a ouvert des nouveaux espaces à explorer. À l'intérieur, ouais. Oui, donc Georgia Volpe, tu parlais de cet espace que cette situation libère, cet espace vide dans la rue, dans les rues, dans la ville, mais aussi un espace qui se libère à l'intérieur de toi. Exactement. Donc pour des nouvelles idées, pour des nouveaux projets. Chaque fois que tu libères un espace, c'est sûr qu'on va occuper autrement. Donc c'est sûr que c'est l'inconnu, hein. Même à l'intérieur, tu sais plus. Ah, je sais pas si ça. Mais finalement, moi je suis moins intéressée avec ce qui peut m'amener ces espaces, mais plus de le vivre à chaque jour, quotidiennement, découvrir. De les occuper. De les occuper quotidiennement et le développer. Et tranquillement, les choses se forment. Oui. Si tu travailles quotidiennement dans des directions. Des cheminements que tu envisages, que tu vois, là tu le développes et puis là d'un coup tu dis ah, j'ai vraiment avait une intuition dans ces sens-là qui se matérialise tranquillement avec l'effort et la constance du travail. Donc c'est un peu comme un delta qui va à la mer. Ouais, ou plutôt l'inverse, c'est les affluents qui qui commence tout petit, qui part de différentes directions, puis qui viennent se rejoindre dans les rivières, dans les fleuves. C'est une belle idée. Oui, je pense que c'est ça, parce que pour moi, c'est toujours un processus organique et intuitif, non? Mm-hmm. Je suis pas quelqu'un qui raisonne trop les chemins, il l'organise. Je laisse les choses arriver à moi. Et là, j'essaie de faire mon tourbillon, organiser ces choses qui arrivent. Je suis très perceptive aux choses qui m'arrivent. Et là, même cette condition qui nous a imposé, de confinement qui a été imposée, et tout cet stress, cette angoisse, ces non-savoir, ça aussi m'a permis, cet espace intérieur, d'essayer de défricher un peu plus librement, sans contrainte, cet espace intérieur, me donner cette liberté de le défricher. Ça m'a permis de voir autrement et de répondre autrement à tous ces anxiogènes quotidiens qui t'envahissent, le non-savoir et ce qui nous arrive, la circonstance. C'est de se forger une survie. C'est ça. Une survie de cette situation-là via ta pratique artistique. C'est ça. Une réflexion artistique. Oui, une réponse. Parce qu'il sait qu'on est arrivé là, ces moments d'impasse. On se demande, on veut pas qu'ils reviennent la même chose, on veut pas marcher sur les mêmes pierres et puis on veut pas que la chose s'empire. Mm-hmm. Je sais pas où on s'en va avec tout ça, mais je sais que chaque jour, si on pose un geste positif de construction intérieure en relation avec ton environnement et avec les tiens et avec tes pères et avec les animaux et avec peu importe ton environnement, j'ai l'impression que tranquillement on peut avancer dans le bon sens. Mais si on dit non, si on s'y prend par... comment je peux expliquer? Peut-être que je n'ai même pas besoin de dire ça dans la radio, mais je veux expliquer avant de te... Donc, au lieu d'arrêter puis de se mettre sur pause, c'est mieux de... C'est une pause active. Oui, donc de se mettre en action et d'explorer différentes avenues pour agrandir cet espace-là au final. Oui, je pense que oui. Je voulais, peut-être que je n'ai pas besoin de registrer ça, je voulais essayer de... C'est une réponse, oui, à ce qu'on vit présentement. Mais comment la transformer, cette chose, dans un autre? Est-ce qu'on veut garder le même rythme qu'on était avant? On mm-hmm. sait que ce rythme va détruire tout autour de nous, si on garde la même vitesse. Oui. Donc, comment arrêter, freiner et travailler sur ce qui est vraiment important pour toi, ce qui vraiment peut faire du sens, qui des fois c'est du sens plus philosophique, ou plus spirituel, ou plus lié en retour à la terre, peu importe, il faut trouver une manière de continuer, parce que la manière qui se présente depuis, c'est pas la bonne. Non, on est donc l'art, c'est quoi le rôle de l'art là-dedans? Je me demande tout le temps. C'est quoi le sens du travail qu'on fait en tant qu'artiste? Comment l'art peut survivre dans une situation de crise? Mais moi, j'ai dit que je pense que c'est pas juste moi qui pense ça. Et je regarde le livre de Clé juste à côté de toi. Dans les moments de plus de tension, de crise, des guerres, où on s'est mis dans des situations... On est déstabilisé. Complètement déstabilisé. C'est là que l'art, elle a plus de sens. Parce qu'elle organise, elle amène ce qui est fondamental, essentiel dans l'être humain. Et elle amène du sens à l'existence. Ouais. Et si on y va de manière plus concrète, là, Georgia Volpe, parce qu'on est dans les idées, on est dans les métaphores, on discute de qu'est-ce que ça éveille chez toi, mais il y a plusieurs actions que t'as posées très concrètes au final. T'es devenue une influenceuse sur Instagram. Je fais des blagues. Okay. Non, mais tu publies de manière très très très active sur Instagram. C'est nouveau là. C'est arrivé avec le confinement. C'est tout nouveau. L'Instagram, c'est tout nouveau pour moi. Ça fait 6 mois que je suis dedans. Mm-hmm. Et c'est comme une plateforme pour moi où je m'expose moi-même à moi-même. C'est drôle de dire. J'ai même pas beaucoup d'abonnés. Je m'en fous avec les histoires d'abonnés. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la motivation. Mais ça me pousse On est bien d'accord que cette crise nous a mené à un monde virtuel. Oui. Mais le monde virtuel, pour moi, c'est un monde d'idées. Mmh. Et donc, l'Instagram, c'est une plateforme, ça aurait pu en avoir un autre ou nommer autrement, mais ça me permet de comprendre c'est quoi ce monde d'idées de ma manière de l'interpréter. Hein? Bien sûr qu'on peut se servir du monde virtuel juste pour encore fonctionner de la même manière, mais comment qu'on peut construire d'autres formes, d'autres images qui ouvre le sens, la perception vers d'autres choses qui c'est de suivre le même chemin qu'on était. Donc, pourquoi qu'on fait du virtuel? Ou pourquoi qu'on crée des idées? Ou pourquoi qu'on c'est un médium comme n'importe quel? Mais c'est sûr que pour moi, ce médium, il fonctionne comme une plateforme qui me permet d'approfondir ces idées-là. Mmh. En dehors de la matière même, qui parallèlement c'est très important pour moi. Donc c'est de travailler l'idée plutôt de collage, d'assemblage, de réflexion, des niveaux différents, de croisement, de présentation des choses autrement, qui est imaginé, non? Mmh. Et c'est de l'ordre d'imaginer, c'est de l'ordre aussi du comme tu dis, du réflexif, de ce qui t'amène du sens, peu importe, de comment voir ton travail de ce côté, peut-être plus conceptuel même, plus conceptuel. Oui, avec la dématérialisation, c'est si ça. On veut, de cet espace virtuel, c'est ça. On est peut-être plus, ouais, on est plus dans le conceptuel. Ouais. Et j'ai c'est conceptuel très fort dans mon travail aussi. Oui. Associé à la matière, bien sûr, mais comment je peux amener ces matières qui sont dans l'atelier, ils sont dans ma tête, ils sont des choses que j'y trouve dans cet espace conceptuel-là, un espace qui n'existe pas, et me servir de la ville, de l'espace public, des éléments trouvés, des différents points de vue, et me servir aussi des lieux où j'ai jamais été, comme les cartes postales que j'ai fait. Donc, comment faire une transit entre ces lieux-là? Donc, pour créer un nouveau lieu. C'est conceptuel, ça. Donc, le fait de travailler dans ces médiums me permet d'explorer cette facette qui, de se aller y revenir dans un espace imagé. Et aussi, comment je peux t'expliquer ça? Des fois, il manque de mots pour expliquer des choses. Imagé, transfiguré et entre le réel et l'imaginaire, qui finalement, c'est un espace illusoire. Il y a beaucoup d'illusions, non? Et nous, on est tout le temps en train, en même temps, de recevoir par ces médiums. Oui, oui, là, oui, on est juste toujours de l'illusion, sur les oui. Juste des fausses, des bonnes, des mauvaises, mais des nouvelles, mais c'est des réalités qu'on reçoit, qui du fois, c'est très, on peut pas dire c'est des réalités. Mmh. Donc, comment répondre à ça? Donc, moi, comme artiste, je peux répondre à ça parce que j'ai dit jusqu'à quel point ce qu'on reçoit, c'est la vraie réalité. C'est quoi la réalité? Je questionne toutes ces instances-là. C'est quoi la réalité? C'est quoi l'illusion? Comment je peux croiser dans ma pratique l'objet avec l'image de l'objet? La situation, la présentation de l'objet avec l'action de mon corps par rapport à cet objet, le contexte. Alors, tout ça, ça devient différent au niveau qui est dans l'espace conceptuel du virtuel, il peut s'y croiser. Mmh. Ouais, donc on est vraiment dans une espèce de projection d'action réelle dans l'espace virtuel, puis de réfléchir à ces différentes couches de c'est de la médiatisation, parce qu'on on rajoute un média, une couche et une couche et une autre couche. Mm-hmm. Et si on revient à l'espace plus réel, Georgia Volpe, tu as l'habitude de travailler beaucoup avec les gens, avec la société, les passants, et puis tu as réussi quand même à développer un projet dans ces sauveurs en collaboration pour venir animer les rues de Saint-Sauveur. autour de toi. Oui, mais c'est drôle, les choses, c'est drôle de dire, maintenant, je suis tellement contente, des fois, les choses viennent à moi, et j'étais appelée par le comité des citoyens pour essayer de penser une idée, pour animer un peu, changer un peu le quartier, amener un peu de couleur ou de forme, d'autres, un peu de joie, on va dire comme ça. Et là, je sors un peu des projets du tiroir. Mais oui, le fait de cette histoire du Zoom, là, qu'on parle beaucoup par Internet, toutes ces plateformes qui maintenant, on a à disponibilité pour rencontrer les gens. Oui. Et c'est d'autres formes de communication, des fois, qui t'approchent plus parce que tu les vois, non? J'ai donné des conférences ici et là avec des étudiants devant 25 personnes. Tu sais, donc, c'est intéressant comme plateforme. C'est pas la même chose que le contact direct. Mm-hmm. C'est une autre, d'autres natures. Mais il y a au moins, à travers cette plateforme, cet échange, ce dialogue-là, qui c'est essentiel finalement pour articuler les choses, pour éclairer les choses. Cet espace de rencontre, il est là. Pour moi, je parle de la plateforme de Zoom. C'est comme ça que j'ai travaillé aussi avec le comité de citoyens de Saint-Sauveur. Le Facebook, oui. Messenger, toutes ces plateformes qui permettent la rencontre, oui, virtuelle. Mais ça raccourcit les distances. Ça raccourcit les distances et puis c'est extraordinaire de pouvoir donc avec le quartier échanger sur certaines choses comme il y avait le Saint-Sauveur en fleurs. C'est un événement qui n'a pas eu lieu à cause de notre situation. Donc, on amène les fleurs à Saint-Sauveur. On essaye de détourner aussi des événements qui avaient lieu et qui ne... Et ça, en discussion, en collaboration, c'est... Je veux dire que, oui, d'une manière ou de l'autre, ces relations, ce dialogue, il a pu se faire d'une manière plus virtuelle à ces moments-ci, mais il a pu se faire. Ça veut dire, il peut continuer à se faire. Et c'est pas le même échange énergétique, non, de sentir l'autre, puis la sensation, c'est pas la même, non. Il y a même à la fin de la journée, quand je travaille beaucoup sur ce, et ça m'arrive souvent, sur ces médiums-là, l'ordinateur, l'échange virtuel, à la fin de la journée, tu es même plus fatigué que de travailler dans la vraie matière, hein, parce que quand tu rencontres quelqu'un comme en présence et quand tu dialogues, tu es toujours en train de se réénergiser. Oui, c'est un peu pour ça aussi que j'avais envie de faire ces rencontres avec les artistes à 2 mètres, en présence, oui, réelle, pour venir redonner cette chaleur-là de la rencontre. Il y a toujours dans cette rencontre physique un échange d'énergie. Pas un échange d'idées. Souvent, je parle d'échange d'idées dans le virtuel, mais c'est sûr, il y a de la chaleur aussi dans cet échange, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, non, c'est, si on peut au moins à 2 mètres maintenant commencer à un vrai échange, ça nous réénergise. Parce que l'ordinateur, tout ce qui est numérique, tout ce, ça nous souce l'énergie, hein. On sent même les doigts secs. C'est qu'à la fin de la journée... Ça, c'est de l'alcool à friction, ça. En tout cas, c'est comme on se ressèche à l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais oui, c'est possible. À mon avis, c'est possible. Même, ouais, il y a d'autres projets de collaboration qui a pu se faire avec les regards, les cannes. Oui, l'encane de regard. L'encane de regard, des demandes comme ça. Il y a eu aussi deux demandes de présentation de mes œuvres dans les 2 universités. Ça a été extraordinaire à Montréal et un autre au Brésil. Donc, un échange. Ben oui, c'est extraordinaire de pouvoir faire une présentation dans une université au Brésil. Ah oui. On n'aurait pas pu imaginer ça avant parce que. On n'avait pas pensé. Parce qu'on n'y pensait pas. Non. Parce que les cours se donnaient en classe, en présence, oui, pas à distance. Puis là, il faut trouver des nouvelles idées, comme tu dis. C'est quand même intéressant, non? C'est vrai que... Merci beaucoup, Georgia Volpe, pour cette belle entrevue. Merci de ta visite à 2 mètres. On va prendre une tisane maintenant. Thank you. qu'on est de retour à l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec. Jean-Tiane Lafrance et moi-même, Myriam Leland, sommes présentement dans un parc à enregistrer d'avance l'émission pour vous, pour notre plage horaire habituelle du mercredi soir. On est dans le quartier Montcalm, au soleil, accompagné des bruits de sirondes et de camions qui passent. Donc, on vous crée notre propre ambiance sonore de l'aérospatiale. On vient tout juste d'entendre Jean-Tiane qui s'est entretenue avec Georgia Volpé. Merci pour cette belle entrevue. On remercie Georgia également, bien sûr. Une très, très belle rencontre à l'atelier. On est entré dans la tête de Georgia Volpé. Et quelle belle tête! Oh oui. On se lance pour un mini agenda de la semaine. C'est sûr que c'est pas aussi occupé que quand on a accès à plein d'expos et de vernissages, mais Jean-Tiane, te forager les internets pour nous trouver quelques trucs à consommer cette oui, semaine. Oui, donc cette semaine, il y a un événement cette semaine. C'est excitant. Oui, Folliculture, demain, jeudi le 28 mai, sur Internet, mais également devant le centre. Ah oui, je savais pas ça. Dans la rue, au 880 rue du Roi, à partir de 20h, c'est Faisons comme si. Ensuite, on suit également les performances invisibles de Steve Jasson sur les réseaux sociaux du lieu, qui publie régulièrement les différentes performances invisibles de Steve Jasson. Et on découvre également les œuvres déconfinées de la voûte virtuelle de la bande vidéo, qui a mis en lumière des œuvres nouvellement intégrées à leur médiathèque tout au long du mois de mai. Donc, à chaque fois qu'à chaque semaine, on en rajoutait quelques-unes. Puis, il y a aussi nos cousines d'Alès de vos empires avec qui on a collaboré en début de confinement, qui maintenant collaborent avec la Galleria pour créer la première exposition d'art numérique. Donc, c'est vraiment pas comme ce qu'on parlait en début d'émission, c'est une exposition qui est faite spécifiquement pour le numérique avec de l'art web. Donc, c'est avec l'artiste Antoine Lortie et l'exposition s'intitule « This title is a comment on institutional art ». Donc, ça promet, et ça vaut la peine d'aller voir ça, sur le site web de la Galerie A. Exactement. Disponible. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition très spéciale de l'aérospatiale, l'édition déconfinée, comme à chaque semaine. On espère la première d'une série d'éditions déconfinées. On va continuer jusqu'à la fin de la saison. La saison de CKRL est prolongée jusqu'à la fin du mois de juin. Oui, donc le 28 juin. On va avoir encore 4 ou 5 émissions, j'ai pas compté. Moi non plus. Mais on vous invite tout de même à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com, et à nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. On aimerait remercier Simon Roy et Jessica Leb de CKRL qui nous permettent d'expérimenter comme ça avec l'enregistrement à dans distance. Des parcs. Et un grand merci également à Georgia Volpé pour la très belle rencontre à son atelier à 2 mètres de distance. Merci Myriam Leland pour cette co-animation. Merci Jean-Tiane Lafrance. Et merci à vous à la maison et on vous revoit la semaine prochaine. Myriam, tu rencontres qui la semaine prochaine? On rencontre Audrey Demers-Roberge pour parler d'une résidence qu'elle a fait au Sénégal. Il y a déjà un bon moment, c'était juste avant le confinement. C'était supposé être notre invitée à la toute dernière émission la semaine où on a décidé de fermer les studios de CKRL. Puis, elle a des beaux projets aussi là qui s'en viennent. Oui, comme du côté de Saint-Nicolas, sur la Rive-Sud. Exactement, comme on le disait, les artistes ne chôment pas malgré le confinement. Donc, je vais m'entretenir avec elle pour vous la semaine prochaine. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine.